Parlons Santé. Parlons Santé est une émission d'information et de sensibilisation pour l'acquisition des méthodes pratiques et techniques de base en matière de santé. Elle est réalisée par Egide Ndairagije et passe à la radio de la Gakoura tous les samedis à partir de 17h30. Fidèles auditeurs auditrices de la radio scolaire Ndela Gakoura, et spécialement vous les fidèles auditeurs auditrices de l'émission Parlons Santé, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Parlons Santé d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la population sur la conduite à tenir pour lutter contre l'épidémie de paludisme au Burundi, 3 semaines après la déclaration par l'autorité compétente, la ministre de la Santé publique et la lutte contre le sida, en date du 13 mars 2017. Parlons Santé est une émission qui donne la parole à nos partenaires en matière de santé. Et aujourd'hui, nous avons 2 invités, à savoir Madame Ginette Karirekinyana. Elle est fondatrice et directrice de l'Agence consultative en éthique et coopération internationale, ACCI en sigle. Nous sommes aussi avec l'ambassadeur Alben Bonelane. Il est représentant légal de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Egide Ndairagije qui vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Sans trop tarder, pour suivre l'évolution de cette épidémie de la malaria, les actions déjà menées et les avancées dans la lutte, nous avons invité les intervenants de la société civile engagés dans la lutte contre cette épidémie et nous entrons dans le vif du sujet avec Madame Ginette Karirekinyana. Ginette Karirekinyana, directrice et promotrice de l'Agence consultative en éthique de coopération internationale, ACCI. Nous sommes aussi avec Albert Bonerané, représentant légal de Action de lutte contre la malaria, ALIMA Burundi. Merci beaucoup, chers invités. Merci de répondre à notre rendez-vous. Et comme je venais de le signaler juste au début, nous inscrivons dans le cadre de lutte contre cette épidémie de paludisme. Dans le domaine de la CECI, nous sommes avec Ginette Karirekinyana. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé après la déclaration de l'épidémie? Au fait, je ne dirais pas qu'il y ait des avancées, mais plutôt des actions. Parce que la malaria reste toujours notre première préoccupation. Tant qu'il y aura un seul patient, un seul malade, un seul Burundais exposé au paludisme, ce sera toujours notre préoccupation. Et aujourd'hui, il y a des millions. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'intensifier nos actions, surtout sur le terrain. Alors je dirais, depuis que... Vous avez combattu pour qu'on déclare l'épidémie. Et après la déclaration de l'épidémie, des efforts ont été fournis, certainement, Ginette. Exactement. C'est depuis 2014 qu'on se bat pour qu'au Burundi, on déclare une épidémie, parce qu'il y a des chiffres qui augmentent chaque semaine. On n'a pas cessé de le dire. Et 2016, on a vu le pic avec plus de 200% de taux de contamination. Aujourd'hui, avec l'épidémie déclarée, nous sommes vraiment en train de... Là, par exemple, depuis la déclaration de l'épidémie, on a commencé à travailler dans des provinces où on n'était pas très active, mais où il y a plus de malaria. Je veux parler, par exemple, de Kirundo. Kirundo est une des provinces les plus ciblées par la malaria. Et nous avons travaillé avec d'autres partenaires qui, habituellement, ne sont pas dans le paludisme, mais qui ont quand même saisi cette occasion humanitaire de sensibiliser surtout les leaders religieux à travailler dans le domaine de la malaria. C'est-à-dire, on a rassemblé les leaders religieux, toutes religions confondues, pour les sensibiliser et leur dire comment faire, quoi transmettre aux populations pour que les populations puissent savoir comment se protéger. Vous êtes donc dans la province de Kirundo dans le cadre de la prévention ou dans le cadre du traitement? Dans le cadre de la sensibilisation sur la manière, comment se comporter face à l'épidémie de paludisme. Pourquoi vous avez choisi comme cible les leaders religieux? Les leaders religieux sont dans la communauté les gens qui sont à même de parler aux communautés, c'est-à-dire... Ils ont une audience, bien sûr, et c'est leur responsabilité aussi, hein. C'est-à-dire un cheikh musulman ou quelqu'un qui est dans le bureau de la religion de l'islam peut parler avec autorité à ses co-religions. Et la même chose pour les curés des paroisses, la même chose pour les pasteurs de différentes églises qui peuvent parler dans leur communauté, parce qu'après tout, on appelle les gens à prier, on se rassemble pour les prières, mais c'est parmi ces gens, il y a beaucoup qui sont malades. En plus il y a les membres des églises qui sont malades, moins il y a des participants aux églises. Il y a moins de chrétiens disponibles au service pour être au service. Donc, il faut que les leaders religieux se soucient aussi de cette épidémie-là. Oui, merci Ginette, mais le message de sensibilisation est centré sur quoi? Le message est centré sur la prévention. En fait, on essaie de leur montrer, sans exclure les méthodes de prévention, c'est-à-dire on énumère, on regarde point par point qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber malade, et si on est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir le plus rapidement possible avant de tomber dans le palud grave. Et si on est dans le palud grave, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de mourir, pour éviter les décès? On y reviendra plus tard. Retournons du côté d'Albin Bonelane, il est représentant légal d'Aluma Burundi. Vous aussi, la même question. Qu'est-ce qui est déjà fait après la déclaration de la ministre de la Santé publique? Merci beaucoup. Je dois féliciter d'abord Madame la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui a eu le courage de déclarer que le Burundi connaît une épidémie du paludisme, parce que ça faisait des mois que l'on se plaignait, disant que, peut-être en utilisant d'autres mots, comme j'aimais le dire, une flambée pour éviter de parler d'épidémie. Mais aujourd'hui, nous disons que nous avons le même discours, nous avons le même langage, face à ces situations, je dirais, catastrophiques, des vies humaines qui continuent à disparaître et taire ce que l'on voit. Maintenant, nous sommes à l'aise. Et quand il y a un problème, on trouve une solution. Et comme elle a indiqué ce que l'on doit faire, au niveau de notre association Action de lutte contre la malaria, et nous continuons toujours à faire un plaidoyer pour que, au niveau du gouvernement, on prenne des mesures vraiment visibles pour la lutte contre le paludisme et réduire les cas de décès, comme on continue à les signaler. La deuxième chose, c'est que au centre anti-malaria Saint-François d'Assise, qui est basé dans la zone de Kamenge, quand je vois les patients qui viennent pour des consultations, parce que les patients qui viennent dans ce centre, ce sont des patients qui ont déjà perçu des symptômes de la malaria. Et là, ça devient facile. Et les techniciens, il faut un diagnostic, je dirais, fiable, soit avec le microscope, soit avec le parachec, le test rapide. Et juste toujours avant de commencer à faire le diagnostic, il y a toute une séance qui commence à 7h du matin pour sensibiliser, éduquer les gens au changement des comportements, pour savoir comment se tenir devant des risques d'attaque du paludisme. Et puis, avec un appui du Fonds mondial, parce que notre association est ce qu'on appelle sous-récipiendaire du partenariat, plutôt du programme national intégré de la lutte contre le paludisme en financement du Fonds mondial. Et là, nous avons eu la chance d'avoir un financement qui est tombé qui est entré en action juste après la déclaration de l'épidémie. Et nous avons commencé à sensibiliser ce qu'on appelle les leaders et batteurs, parce que c'est une des communautés très vulnérables au paludisme. Nous avons travaillé dans les provinces de Kirundo, Muyinga, qui sont aussi deux des grandes provinces menacées par le paludisme, et puis à Kayanze, Ngozi, Chibitoke et Bubanza. Donc ça, c'est la première étape au niveau de la sensibilisation des leaders. Et là, nous étions contents de voir que ces gens-là qui ont participé à ces formations sur la prévention, le traitement du paludisme, ils étaient contents parce qu'ils ont dit « nous avons appris beaucoup de choses ». Ce que nous attendons, c'est que ces informations puissent profiter à la communauté à la base. Et je dois féliciter aussi au niveau des médias, quand je vois comment les journalistes s'intéressent à nous poser des questions. Radio Ndelagakura, je vois la radio Isanganiro, la Voix d'Amérique, Radio France Internationale. Donc tous ces messages, ça porte des fruits, tellement que, comme nous faisons face à un manque de médicaments comme la quinine pour les cas graves, j'étais content de voir un homme d'affaires qui m'a appelé pour dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et au niveau de notre centre anti-malaria, nous avions, au niveau du stock, la quinine était vraiment pas disponible et il nous a donné un appui. Maintenant, nous avons des médicaments pour soigner les patients qui vont visiter le centre jusqu'à tout le mois d'avril, ce qui est une bonne chose. Et là, nous voudrions encourager les autres bienfaiteurs pour qu'ils se lèvent et disent « si je contribue en donnant, par exemple, du paracétamol, de la quinine, etc., on aura sauvé des vies humaines. » Retournons du côté de Ginette Kalidekinyana. Elle est fondatrice et directrice de l'Agence consultative en éthique et coopération internationale. Nous, on est dans le sens de lutter contre le paludisme en utilisant ce que nous avons localement, au niveau, ce que les gens ont à leur portée. Vous savez bien, c'est ça, sensibiliser les populations. Et depuis toujours, on travaille sur le savoir traditionnel, sur ce que nos grands-parents faisaient pour lutter contre ce genre de maladie. Qu'est-ce qui est à leur portée avant d'avoir des choses qui viennent d'ailleurs? Ça, c'est le plus difficile, au fait. Parce que le paludisme, c'est d'abord un problème local. Et les solutions existent à notre portée. Alors maintenant, ce que nous faisons, c'est plutôt d'intensifier les messages de sensibilisation, les messages d'information et même des séances de formation. Heureusement, oui, à travers la Voix d'Amérique, à travers les radios nationales et communautaires, heureusement, il y a les populations qui suivent et qui sont à l'affût de l'information. Alors, nous, on ne fait que donner, sensibiliser et informer. Et rappeler ces plantes et pourquoi ces plantes, quelle est sa qualité? Pour les gens qui ne le savent, même si moi je le sais, je le demande pour le public et les auditeurs qui nous écoutent. Pour lutter contre le paludisme, il faut d'abord éviter de se faire piquer par les moustiques. Parce que les moustiques, ce sont des vecteurs du paludisme. Alors, il y a des plantes comme la citronnelle, connue sous le nom de Ubichavichai. Il y a l'eucalyptus que les gens... C'est une plante répulsive qu'on peut utiliser. Quand on en a à l'extérieur de la maison, il faut secouer pour que ça dégage de l'odeur. Il y a l'eucalyptus, la citronnelle comme l'eucalyptus, comme d'autres plantes aussi que les gens connaissent, et le géranium, la cathare et tout ça. Et alors, ils peuvent les prendre... tremper dans l'eau chaude, si on n'a pas... Nous, on fait l'extraction d'huile essentielle. Mais monsieur et madame, tout le monde à la maison peut utiliser l'eau chaude. On trempe dedans et on se protège pendant qu'on est autour, on est au salon, on est en train de causer, on est partout avant d'aller sous le moustiquaire au lit. Alors, c'est la première des choses. On trempe seulement dans l'eau chaude et l'odeur que ça dégage, ça chasse les moustiques. Oui, c'est pas la vapeur que ça dégage, c'est ça qui chasse les moustiques. Malheureusement, je parle aux gens qui ne nous écoutent pas, puisqu'on est en train de nous exprimer en français. Si on parlait en Kirundi, on serait en train de parler aux gens à l'intérieur du pays. Mais pour les gens localement, ici, urbains, les gens pour les communautés urbaines, les populations urbaines, ils peuvent acheter des désinfectants à la cathare et nettoyer les maisons avec ça. Nettoyer pour éviter que les moustiques pullulent dans nos maisons. Ça, c'est très important. Parce qu'avant d'aller dormir sous les moustiquaires, on a les moustiques qui nous piquent. Qui nous piquent au travail, qui nous piquent un peu partout. Alors, les gens peuvent utiliser des anti-moustiques, les gens peuvent utiliser le savon pour se laver et se oindre avec. Les gens peuvent utiliser aussi l'eau chaude, comme j'ai dit. Les gens peuvent utiliser des désinfectants pour nettoyer le sol, les détergents anti-moustiques. Tout ça, ce sont les moyens pour éviter les piqûres de moustiques. Mais ça, c'est une chose. Mais quand on parle de l'épidémie, on prend acte du paludisme présent déjà dans les organismes humains. C'est-à-dire que la plupart des gens ont déjà le paludisme en eux. C'est-à-dire qu'il faut se déparasiter. Il faut prendre beaucoup de tisane. Il faut boire des tisanes. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire, hein, on en a à gogo. On n'a pas besoin d'attendre que les tisanes ne viennent de la Chine ou de l'Inde ou de choses. On a au Mobilizi la malaria. Mm-hmm. C'est ce que nos grands-mères utilisaient depuis toujours. On peut prendre le filantus. Le filantus, c'est ce que, selon la région, les gens appellent ça le filantus. Mais je sais que même au Ghana, au Kenya, en Ouganda, on utilise ça. Et on en a ici. Au Omunyegenyeg, c'est en Kirundi, on appelle ça Omunyegenyeg. On a l'artémisia. L'artémisia que les gens connaissent, commencent à connaître. L'artémisia qu'on peut cultiver autour de la maison, un peu partout. Et ça pousse dans n'importe quelle région du Burundi. Dans les régions chaudes ou froides. La catère, c'est une plante répulsive. C'est pas une plante. C'est une tisane, mais ce n'est pas une tisane antipaludéenne. Mais par contre, l'artémisia, c'est une plante connue comme étant une plante antipaludéenne. Alors, on n'a qu'à consommer ça comme des tisanes. Ça s'utilise en feuilles, on trempe ça dans l'eau chaude, on infuse dans l'eau chaude et on boit. On peut prendre ça sec ou frais. Rien n'empêche la population à planter l'artémisia dans leur peau, dans les pots autour de la maison et à prendre quelques feuilles de temps en temps. Alors, je conseille aux gens de prendre l'artémisia ne serait-ce que 3 ou 4 fois par semaine. C'est-à-dire prendre des tasses de tisane d'artémisia régulièrement par semaine, 3 ou 4 fois par semaine. Ça nous évite... Sans tomber dans la publicité, il semble que vous avez une officine qui disponibilise ces tisanes. La parole est toujours à Jeannette Kalakini. Exactement. D'abord, au niveau de la CECI, on donne aux visiteurs systématiquement des tisanes à boire. On a plusieurs formules, plusieurs recettes des tisanes antipaludéennes. Et les gens peuvent boire et on ne fait pas payer à la CECI. Les gens peuvent venir boire régulièrement comme un thé, comme on peut se retrouver autour de la table, autour d'un verre. Et à l'officine, au restaurant L'Officine, qu'on vient d'ouvrir ici au centre-ville, les gens peuvent s'asseoir et boire des tisanes bye bye malaria. Comme on achète une bouteille d'eau, on peut prendre un thermos de tisane et puis on boit. C'est un thé, c'est on boit naturellement. Du côté d'Aloma Burundi, Albin Bonelane nous donne plus de détails sur les actions à mener et les avancées dans la lutte contre cette épidémie. Je continue toujours à faire un plaidoyer pour que le gouvernement passe à des actions concrètes. Notamment des mesures de prévention. De prévention. Mm-hmm. Je reviens sur une mesure qui avait été dite par la ministre de la Santé dans sa déclaration comme un des outils de riposte, c'est la pulvérisation intradomiciliaire. C'est une pratique qu'on rencontre dans beaucoup de pays parce que, vous savez, les moustiques, ils peuvent entrer dans la maison, mais la majorité des moustiques se trouvent à l'extérieur. Il y a une formation qui nous a été faite où on disait qu'un moustique anopheles, avant de mourir, peut pondre jusqu'à 150 larves. Alors, sur les 150 larves qui grandissent, c'est pas tous les 150 qui vont entrer dans la maison, dans nos maisons. Ils sont à l'extérieur. Alors, pour les détruire, c'est uniquement par la pulvérisation intradomiciliaire. Alors, dans le coup de riposte, on mettait en avant 28 districts qui se trouvent dans les provinces les plus touchées, les plus endémiques. Et là, je me disais qu'il ne faut pas dire 5 premiers districts. Il faudrait que le gouvernement mobilise vraiment des financements pour passer à une pulvérisation dans les 28 districts. Comme ça, ce serait un début et il serait facile de mesurer les résultats obtenus. L'autre chose, je ne sais pas si c'était un souhait, que dans tous les centres de santé, au niveau de tous les districts, qu'il y ait la disponibilisation des médicaments. Ici, nous parlons de l'artisanat tamodiakine. Ok, jusqu'à aujourd'hui, c'était gratuit. Ça continue à être gratuit. Mais il faudrait aussi que la quinine puisse être donnée gratuitement. Parce que c'est pas vraiment tous les Burundais qui peuvent s'acheter une cure de la quinine. Et je reviens sur ce que nous disons toujours. La malaria, c'est vraiment la maladie des pauvres. Donc, il faudrait avoir pitié de ces gens qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder aux soins de santé. Mais si, après un diagnostic, on dit que c'est un cas de paludisme grave, Au niveau de notre centre, nous étions gênés, comme je l'ai dit, quand nous avions une rupture de stock, de dire, vous avez un cas grave, maintenant, il faut aller chercher un médicament. C'est vraiment très gênant. Mais si nous disons, voilà, c'est un cas grave, voilà, la cure de la quinine, là, nous sommes à l'aise parce que nous savons qu'on a aidé une personne qui va se protéger contre les cas de décès. Au niveau de Radio Ndelagakura, c'est bien que vous faites cela. Il faudrait qu'on arrive à mettre en place un slogan ou bien un message qui passerait au moins sur toutes les radios, qui couvre presque tout le pays. Qu'est-ce qui empêcherait que, comme la Madame la ministre a déclaré que c'est une épidémie, qu'il y ait un message qui passe tous les jours comme ça, alerter les gens pour dire « Attention, en cas de paludisme, si vous avez des symptômes du paludisme, comme la fièvre, la montée de température, etc., il faut aller directement au centre de santé pour un diagnostic. » Et ce message, ça rendrait beaucoup de services. Un des effets de la communication. Je vous dis qu'après, il faudrait que le gouvernement, mais il faudrait que le ministère des Finances s'implique et travaille avec le ministère de la Santé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut mobiliser des financements pour des résultats palpables. Et là, ça demande qu'il y ait ce qu'on appelle une table ronde où on regroupe tous les partenaires pour leur dire « Voici le problème auquel nous faisons face ». Voilà les moyens dont dispose le gouvernement. Que faut-il faire pour que, en 2018, on ne continue pas à dire le bilan de 2017, c'était autant de cas de décès, alors qu'on peut diminuer tout ça. Ça, c'est mon souhait. Merci beaucoup. Nous retournons sur l'usage correct de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Je voudrais revenir sur l'utilisation des plantes médicinales. Ginette a parlé de l'artémisia. Même l'artésunate que nous consommons est fabriquée sur base d'une molécule de l'artémisia. Il faudrait que, au niveau du gouvernement burundais aussi, que ce ne soit pas seulement, des hésitations, qu'on imite ce qui est en train de se faire dans d'autres pays, comme le Sénégal, où on vient d'accepter que l'artémisia soit utilisée vraiment comme, je ne dirais pas un nutriment, etc., mais comme pour la prévention contre le paludisme. C'est un des meilleurs médicaments que l'on peut trouver. Alors si on peut faire une promotion de l'utilisation de l'artémisia, on va aider les pauvres parce que c'est une plante que l'on peut planter. Au niveau du dosage, on connaît, on peut dire, voilà, vous prenez une tasse avec telle quantité. Donc, ce sont des choses qui peuvent aider les gens qui n'ont pas des moyens pour accéder aux médicaments comme la quinine, au cas où la quinine n'est pas encore donnée de façon gratuite. Au niveau de la citronnelle, ce sont des plantes que l'on peut planter à la maison, etc. Ça peut être répulsif. Mais si vous consommez aussi le thé de la citronnelle, vous avez une sorte de renforcement des capacités des anticorps pour lutter contre le paludisme. Donc ça, c'est un des aspects qu'il faudrait mettre en avant. Au Kenya, on est tenté de voir comment faire la promotion de la thémisia. En Ouganda, ça avance. En Tanzanie, il y a des hôpitaux même où on utilise ces produits en Gambie. Et si nous allons en Éthiopie ou en Afrique du Sud, il y a deux sortes d'artémisia, c'est Artemisia annua ou Artemisia afra. Les deux sont vraiment d'une grande efficacité. Que recommandez-vous sur l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action? Ginette, vous ne restez pas dans les plantes, certainement. Mais non, nous, on n'exclut rien pour lutter contre le paludisme. On n'exclut rien. Les moustiquaires, ça fait partie d'un moyen. Mais hélas, assez insuffisant. Oui, il faut utiliser les moustiquaires, mais pas seulement les moustiquaires. Je pense que c'est tromper les gens, et c'est même c'est tromper les gens que de ne parler que des moustiquaires et des médicaments. Aujourd'hui, on est dans une épidémie. Je pense que si on est médecin, et je parle maintenant, je suis en train de parler aux médecins et à tous ceux qui sont dans la santé publique, si on est médecin et qu'on sait qu'une telle plante, qu'une telle tisane peut aider quelqu'un à se protéger contre le paludisme, peut aider à guérir même quelqu'un qui a le palu, et qu'on ne le fait pas, qu'on ne le lui dit pas, je pense que là, on vient de commettre un impair. par rapport à sa mission, par rapport à son travail. Et donc, oui, aux moustiquaires, mais aussi aux moyens qui sont à notre portée. C'est-à-dire, moi, je voudrais bien vraiment insister sur l'usage de l'artémisia et de toutes ces plantes-là qui peuvent nous sauver, qui peuvent sauver les vies et même nous aider à éradiquer le paludisme. Parce que si moi, je consomme tous les jours l'artémisia, et tous les jours ou 3 ou 4 fois par semaine, la tisane d'artémisia, à noix ou à fras, c'est-à-dire que je suis aussi en train de protéger ceux qui sont dans mes voisins, oui, dans l'entourage. C'est-à-dire que quand les moustiques me piquent, ils vont pas y trouver le vecteur. Ils vont aller piquer quelqu'un d'autre, ils vont lui transmettre du bon sang. Alors que si on est plusieurs à avoir le paludisme, on multiplie le taux de contamination. On augmente le taux de contamination. Et alors, moi, je pense que il appartient maintenant aux médecins de sensibiliser les gens à utiliser les moyens locaux, y compris l'usage des tisanes, d'artémisia notamment. Nous sommes à la fin de notre émission, mais certainement qu'il faut une action concertée. Que faire maintenant entre la société civile qui lutte contre le pali, entre les médias, entre le gouvernement et d'autres partenaires? Un mot peut-être pour terminer chacun de nos invités. Je commence par Albert. Oui, d'abord je voudrais revenir sur les moustiquaires. Moi, si j'avais à décider, je mettrais un accent particulier sur la pulvérisation intradomiciliaire. On dit que ça coûte cher, mais quand je vois les gens qui meurent, c'est comme si la personne qui meurt n'a pas de valeur. Alors, s'il y a des gens qui continuent à mourir parce que nous disons c'est pauvre et qu'on investit dans les moustiquaires, alors que quand je suis à l'extérieur, je ne porte pas de moustiquaires. Et ces vecteurs, donc ces moustiques, comme elle vient de le dire, si un moustique anophèle a déjà piqué quelqu'un, il a pris un parasite, ce moustique peut piquer 2, 3, 4 personnes. Et vous allez voir ce que ça va donner comme coût. Maintenant, si on disait tout ce qu'on investit dans la lutte contre le paludisme, le coût de la quinine, le coût de ces comprimés artisanaux, tamoxifène, le paracétamol, le jour où on va dire on a éradiqué, on a éliminé, on a diminué le nombre de cas de paludisme, au niveau de l'économie nationale, ça va augmenter. Alors, moi, je me dis que... Et un autre facteur qui me dit qu'il faudrait voir comment on utilise les moustiquaires. Quand on distribue 3 millions de moustiquaires, après 3 ans, je n'ai jamais entendu dire qu'on a ramassé les 3 millions de moustiquaires. Et au niveau de l'environnement, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que détruire l'environnement, la terre, etc. Ou quand on va les brûler, etc. Ou quand on va les utiliser à la pêche pour tuer les poissons, etc. Avec des insecticides. Tout ça, je dis qu'il faudrait mettre sur la balance. Qu'est-ce que nous gagnons en investissant beaucoup dans les moustiquaires au lieu d'investir dans la pulvérisation intradomiciliaire? Comme dernier mot, moi, je dirais, au fait, quand je parle du paludisme aux médias, comme ça, j'ai le cœur gros. Je suis malheureuse de parler année par année, tout le temps de la malaria. Alors que on peut à un moment donné dire bye bye malaria. On peut vraiment, vraiment éradiquer le paludisme dans notre pays. Ça, c'est ma conviction. C'est pour cela que j'interpelle le pouvoir public à élaborer un guide exhaustif qui indique comment lutter contre le paludisme d'une façon exhaustive et avec des moyens accessibles. Merci, fidèles auditeurs et auditrices de notre émission. C'est sur ce message de Ginette Karire Kinyana que nous mettons fin à notre émission. Une émission centrée sur la lutte contre l'épidémie de paludisme avec les différentes actions et avancées dans la lutte contre l'épidémie. Nous sommes avec la société civile. Nous disons merci également à vous tous, nos fidèles auditeurs auditrices qui nous ont prêté oreille attentive. Merci aussi à Albert et Ginette pour leur spontanéité à répondre à nos questions. Et Jude Ndaïla Guigé, à la présentation de cette émission, vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous avec la radio scolaire Ndela Gakoula. Et prochain rendez-vous, c'est samedi prochain à la même heure. Bye bye. C'était Parlons Santé, une émission d'information et de sensibilisation pour l'acquisition des méthodes, pratiques et techniques de base en matière de santé, à la réalisation et à la présentation. Égide Ndaïra Guigui.